conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, l'innovation, cela marche comment ? Comme pour l'écoulement d'une goutte de mercure, les idées scientifiques et techniques suivent des chemins difficiles à anticiper. Qu'elles aient ou non des visées pratiques, elles se répandent, se fragmentent, se retrouvent pour former de nouvelles confluences, ce qui rend leur destin imprévisible. En 1915, Albert Einstein n'aurait pu deviner que la prise en compte des équations de sa nouvelle théorie de la gravitation, la relativité générale, serait un jour nécessaire au bon fonctionnement de nos GPS. Dans les années 1920, les pères fondateurs de la physique quantique ne se doutaient pas que leurs réflexions très abstraites engendreraient la plupart de nos produits de haute technologie, électronique, laser, nanotechnologie, télécommunications, contribuant ainsi et de façon notable à l'économie des nations engagées dans la partie. Prenant acte de ce caractère imprévisible de la trajectoire des idées, on défend à bon droit que les différents champs de la recherche doivent se fertiliser mutuellement. La mise en symbiose n'est-elle pas le meilleur moteur de l'innovation ? Nous avons pourtant pris l'habitude de distinguer deux types de recherche, la recherche fondamentale d'une part, la recherche appliquée ou finalisée d'autre part. La première vise à déterminer les lois générales de la matière, de la vie, de l'univers ou des comportements humains. La seconde produit des connaissances mobilisables pour agir sur le réel, résoudre des problèmes pratiques, transformer le monde. Comment ces deux types de recherche avancent-ils ? Comment s'influencent-ils ? Se fertilisent-ils ? Devrait-on davantage organiser leurs relations mutuelles ? Pour répondre à ces questions, j'ai invité Didier Roux. Bonjour Didier Roux. Bonjour. Vous êtes physico-chimiste, vous dirigez la R&D, comme on dit, de Saint-Aubin depuis 2005. Vous êtes membre de l'Académie des sciences, vous êtes également membre de l'Académie des technologies. Mais si je vous ai invité, c'est surtout parce que j'ai eu la chance et le bonheur d'assister à la leçon inaugurale que vous avez donnée d'une voix forte le 2 mars 2017 au Collège de France, où vous occupez depuis un an la chaire de l'innovation technologique. Et votre discours, très dynamique, vient d'être publié sous la forme d'un petit livre intitulé « Découverte, invention et innovation, le tout au pluriel ». J'ajoute que vos leçons ont été diffusées, je crois, sur France Culture à une heure très matutinale. Oui, je crois que de 5h à 6h du matin, mais j'ai compris que les gens l'écoutaient. Alors, j'ai une première question qui est assez personnelle à vous poser, Didier Roux. C'est quel genre d'enfant étiez-vous ? Vous étiez curieux, j'imagine ? Mais curieux tendance bricoleur ou curieux tendance contemplatif du genre à regarder le ciel nocturne ? Alors j'étais curieux, oui, évidemment, bien sûr. C'est un moteur fantastique pour un scientifique. Mais j'étais un curieux destructeur. J'adorais démonter les objets, de voir comment ça marchait, sans les comprendre d'ailleurs. Et puis j'essayais de les remonter. Et là, il me restait toujours des pièces en plus. Et voilà, j'ai passé ma vie à démonter des choses et à essayer de les remonter sans beaucoup de succès. Voilà. Il manquait toujours quelque chose, c'est-à-dire qu'il... Ben, j'avais des pièces en plus. Il y a des choses inutiles dans les objets qui existent. Le résultat, c'est que ça ne marchait pas. Donc, c'était probablement utile. Mais j'avais plus d'intérêt à démonter qu'à remonter. Alors, et quel élève étiez-vous ? Alors, j'étais ce qu'on appelle un cancre. C'est-à-dire que j'étais un élève qui a passé sa scolarité en conflit relativement important avec le monde de l'éducation nationale. Une anecdote, en classe de troisième, après avoir déjà redoublé ma sixième, le professeur principal est venu me voir en disant « Roux, si vous passez, toute la classe passe ». Alors, comme j'avais déjà des déboires, il était question de faire un cycle court. Donc je devais aller faire une école hôtelière puisque je suis malheureusement passé ou heureusement passé dans la classe supérieure. Et là, le professeur principal a écrit sur mon bulletin, que j'ai encore, que je passe dans la classe supérieure, mais je serai incapable de faire des études. Voilà. Mais vous êtes devenu un chercheur. Mais j'aidais beaucoup les scientifiques, j'aidais beaucoup les professeurs à ne pas voir en moi quelqu'un. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que je ne faisais rien. Donc, c'était ne faisant rien, rien ne sortait. Vous n'étiez pas dissipé. Non, pas spécialement dissipé, mais par contre très, très paresseux. Mais vous êtes très curieux, donc ça devrait vous inciter ou aurait dû vous inciter à poser des questions, les énoncés des professeurs. Voilà, alors c'est une remarque qui est totalement pertinente. Je suis très curieux, mais pas scolaire du tout. Donc, en fait, ce n'est pas le type d'enseignement que je recevais qui m'intéressait. J'étais curieux dans l'absolu, mais pas dans le système pédagogique tel que je l'ai subi en France. C'est d'ailleurs pour ça maintenant que je m'intéresse énormément à l'éducation et que j'ai en quelque sorte une sorte de retour à travers cette organisation La Main à la Pâte, où j'essaye de faire avec les enfants ce que j'aurais aimé avoir en tant qu'enfant. Mais ce sont des remarques fondamentales que vous faites là, Didier Roux. Est-ce que vous avez le sentiment d'être un cancre ou est-ce que vous aviez le sentiment d'être un incompris ? Alors, pas du tout incompris. J'étais un gamin parfaitement heureux en ne faisant rien. Non, j'avais un manque total d'intérêt par la façon dont on apprenait dans le système scolaire. Ni pour les sciences, ni pour le reste. Non, la seule domaine où j'étais un peu moins mauvais que les autres, c'était en mathématiques, parce que pour moi, les mathématiques, alors je sens que je vais prononcer quelque chose de terriblement contestable. Allez-y. Mais pour moi, les mathématiques, c'était la science des paresseux. Puisqu'il suffisait d'écouter, de vaguement comprendre, et puis après ça marchait. Donc c'était pour moi la science. C'est le seul domaine où ça allait à peu près, parce que c'est pas comme ça qu'on les présente en général. Non, mais pour moi c'était la science des paresseux, donc ça m'allait très bien. Alors votre leçon inaugurale que j'évoquais, Didier Roux, portait sur les mécanismes cachés, compris ou incompris de l'innovation, et vous rappelez que dans un téléphone portable, on tire parti des travaux de recherche de plus de 15 prix Nobel. Oui, alors j'ai fait l'effort, en préparant cette leçon, de me poser la question que vous avez notée au début, c'est-à-dire qu'effectivement, le GPS a besoin, pour fonctionner correctement, des travaux de la relativité restreinte et aussi de la relativité générale. Mais je me suis posé la question de combien de découvertes, finalement, se sert-on dans un GPS, de découvertes scientifiques, fondamentales, résultant de recherches de comprendre le monde qui nous entoure. Eh bien, effectivement, j'en ai compté 15, et encore, je ne compte pas ceux des découvertes qui ont lieu avant l'existence des prix Nobel, qui ont été très utiles. J'en cite une autre, puisque vous avez parlé de la relativité, je vais citer la plus récente, celle, par exemple, de la diode bleue. Bon, ben voilà, la diode bleue, qui a valu le prix Nobel à ses auteurs japonais, c'est aussi un élément, évidemment, qu'on retrouve dans un téléphone portable. Alors, comment est-ce que vous expliquez que le téléphone portable, qui est un objet d'une technologie très complexe, soit d'un usage si facile? Est-ce que, du coup, la technologie ne devient pas un produit masquant de la science, au sens où on peut s'en servir sans connaître les principes scientifiques qui ont rendu l'objet en question possible? Là, vous touchez au cœur de cette réflexion qui dans ma série de leçons au Collège de France, essaye de relier la recherche fondamentale et la science à l'innovation. Le téléphone portable, c'est une innovation. La partie scientifique ou technologique qu'il y a derrière se veut et doit être effectivement transparente, doit être, si ce n'est caché, en tout cas, ne pas du tout être mentionné. Le but de l'innovation, c'est de mettre sur le marché, en tout cas pour l'innovation technologique, c'est de mettre sur le marché un produit qui améliore la vie de nos contemporains, qui vous facilite la vie. Et donc, effectivement, un des moteurs très forts de l'innovation, c'est la simplicité d'usage des objets. Alors, dans votre leçon, vous racontez deux histoires, une que vous appelez la grande, une que vous appelez la petite, pour excuser le modèle linéaire selon lequel il y aurait une sorte de lien de causalité entre la recherche, l'invention, puis l'innovation. Et je vous propose qu'on revienne sur la grande histoire, qui est celle de l'informatique. Vous évoquez un lien que je ne connaissais pas entre la pascaline, la machine à calculer inventée par Blaise Pascal, et puis le métier à tisser jacquard. Oui, alors effectivement, on reprendra les modèles économiques parce qu'ils sont quand même très très intéressants dans ce qu'ils ont de juste et dans ce qu'ils ont de faux. Revenons à cette anecdote qui est un point très important de l'histoire, évidemment, du début de l'histoire de l'informatique. Lorsque un Anglais, un mathématicien, Babbage, s'est intéressé à vouloir construire une machine à calculer programmable, donc l'ancêtre des ordinateurs, voilà. Être capable de dire à une machine ce qu'il faut faire et la machine travaille tout seul pour résoudre, calculer des choses. Il s'est basé en fait sur deux inventions, l'une qui a donné une innovation et l'autre qui ne l'a pas donné, qui sont d'un côté la pascaline, qui est une machine à calculer manuelle et non programmable, qu'en fait Pascal avait inventé pour aider son père qui faisait beaucoup de calculs, hein, qui était superintendant et qui faisait beaucoup de comptabilité, voilà, absolument, et l'aider dans son travail. Et il avait, à 19 ans, inventé une machine mécanique, purement mécanique, qui permettait de faire des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Cette machine a été fabriquée en une dizaine d'exemplaires, n'a pas été une innovation parce qu'en quelque sorte, elle n'a pas été fabriquée et vendue sur le marché, bien qu'il en ait eu l'idée, mais la maladie l'a empêché de le faire, c'est resté une invention. Et cette invention, première machine à calculer, c'est un peu plus tard, dans un contexte complètement différent, a été rejoint par une vraie innovation, cette fois, qui était le métier Jacquard. Le métier Jacquard, c'était un métier qui permettait, par la programmation, de faire des dessins très compliqués, ce qu'on appelait les indiennes à l'époque, des tissus qui avaient des motifs très compliqués. Et donc, Jacquard avait inventé ce métier qui était programmable. C'est-à-dire qu'on pouvait mécaniquement faire le dessin, et la machine reproduisait à l'infini ce dessin. Et cette première programmation d'une machine à tisser, combinée avec une machine à calculer non programmable, ça a été le rêve de Babbage d'arriver à fabriquer un ordinateur au sens d'une machine à calculer programmable. En mettant cette convergence entre deux choses qui au départ n'avaient rien à voir, la programmation par des cartes du métier Jacquard, doublée de la machine à calculer de la Pascaline. Donc là, il y a un lien assez intéressant à observer. Qui dit Charles Babbage dit aussi Ada Lovelace, qui se sont rencontrés, ils ont même travaillé ensemble. Ada Lovelace était la fille de Lord Byron. Et... Oui, alors c'est déjà, alors là on retrouve dans cette histoire des choses absolument merveilleuses. D'abord elle-même, Ada Lovelace, c'était elle-même une sorte de convergence entre l'art et la science, puisque son père, qui était Lord Byron, était un artiste, un poète, et sa mère avait essayé, dès le début, parce qu'elle aimait les mathématiques, d'éduquer sa fille avec les mathématiques en pensant que ça allait lui apporter un caractère compensateur par rapport au caractère un peu fantaisiste de son père. Donc elle avait été à la fois éduquée en mathématiques et elle avait une partie du caractère de son père de poète, rêveur, artistique. Et en fait, cette base de ces deux qualités en a fait quelqu'un d'exceptionnel dans le monde de l'informatique, puisque c'est elle, en quelque sorte, qui est à la base de la programmation, de l'histoire de l'informatique. Donc d'un côté, il y avait Lord Charles Babbage qui avait l'idée d'une machine à calculer programmable, et Ada Lovelace qui, en fait, s'est intéressée à ce sujet-là avec lui, et très rapidement a inventé les bases de ce qu'on appelle maintenant l'informatique, et qui sont comment finalement parler à cette machine, comment la commander. Chose qui intéressait un peu moins Lord Babbage, elle a vu toutes les possibilités qu'il y avait de pouvoir, avec l'utilisation de ces ordinateurs ou de ces machines à calculer programmables, pouvoir manipuler l'ensemble de choses qui pouvaient être représentées par des symboles. Et donc, beaucoup plus que les calculs, elle avait compris qu'on pourrait manipuler des images, manipuler du son. Et ça, dès le début, chose qui n'était pas du tout évidente par une approche, je dirais, mécanistique du fonctionnement d'un ordinateur. Elle avait trouvé notamment un moyen de calculer les nombres de Bernoulli, comme on les appelle. Absolument. Elle a écrit, en fait, le premier programme, c'est-à-dire la succession d'ordres qu'il faut donner à une machine pour faire des calculs compliqués. Dans le cas présent, ça a été les nombres de Bernoulli. Mais une fois de plus, elle a fait plus que ça. Elle a eu cette vision de ce qu'on pourrait faire avec un ordinateur bien, bien, bien avant que l'on puisse réellement le réaliser. Elle a voulu réaliser aussi des machines volantes, mais ses travaux n'ont pas été vraiment reconnus de son vivant. Elle est morte très jeune, à 37 ans. Oui, elle est morte très jeune. Sa mère ne voulait pas qu'elle devienne poète. Son père non plus, hein. J'ai trouvé un petit texte de Lord Byron dans lequel il dit « On me dit qu'elle est intelligente, mais j'espère surtout qu'elle n'est pas poète. Le prix à payer pour ses atouts, si atouts il y a, et tel que je prie pour qu'elle y échappe. » Oui, il faut dire que Lord Byron avait été mis un peu au banc par son caractère fantaisiste de la bonne société anglaise, et donc effectivement, d'ailleurs il l'a très peu connu, puisqu'il est parti, ils se sont séparés avec sa mère quand elle avait un an, et ils se sont quasiment plus revus, bien que sa tombe soit juste à côté de la tombe de son père. Alors comment est-ce que vous expliquez, Diderot, que ce soit surtout des femmes qui, dans l'histoire, ont formalisé les méthodologies de programmation des ordinateurs ou des machines à calculer? Oui, parce qu'il y a une suite à cette histoire fantastique. C'est maintenant, nous sommes dans les années 40, 1940. Cette fois, on construit des machines un peu plus puissantes avec des systèmes qui sont des lampes à vide qui permettent de faire des calculs plus efficacement que les pures machines mécaniques. Et à cette époque, quand on construisait les premiers ordinateurs électroniques, à ce moment-là, il fallait faire, pour programmer ces machines, une succession de branchements qui, en quelque sorte, donnait les ordres sous forme de 0 et de 1 à ces machines du calcul qu'il fallait qu'elles exécutent. Et à ce moment-là, les grands tenants de ces technologies étaient des hommes, et ces hommes avaient développé des machines et considéraient que la traduction du calcul à faire en termes de branchement qu'il fallait faire sur la machine était un travail peu noble et avaient, et c'est terrible de le dire, recruté des mathématiciennes de haut niveau, comme l'histoire le dira, pour faire cet exercice de branchement, débranchement et surtout de traduction du calcul en termes d'ensemble de 0 et de 1 et de branchement. Et c'est à ce moment-là que ces femmes, parce que c'était des femmes, qui étaient vues un peu comme des petites mains par ces hommes nobles qui fabriquaient des machines puissantes, eh bien, ont inventé, elles aussi, dans la pratique, cette fois, les langages de programmation, et même ce qu'on appelle les compilateurs, c'est-à-dire comment on traduit un langage simple, qui permet d'écrire simplement les calculs, puis les traduire en langage binaire, c'est-à-dire en ce qu'on appelle l'assembleur, qui parle à la machine pour ensuite faire une succession de branchements. Et ces femmes ont inventé non seulement le début des langages machines, des langages, mais aussi les compilateurs, c'est-à-dire comment traduire en termes plus simples des calculs en termes de langage machine. Et ça, alors la raison, puisque j'ai pas répondu réellement à votre question, pourquoi ça? Pourquoi Ada? Pourquoi ces femmes qui ont fait ce travail-là dans les années 40? Eh bien, je pense que c'est pour des raisons sociales, c'est-à-dire, ou sociétales, c'est-à-dire que, effectivement, la position des femmes dans la science n'était pas à une place de principale, et bien qu'elles soient totalement capables d'apprendre des sciences, y compris les mathématiques, et en fait, elles ont reconquis leur légitimité en explorant des territoires qui n'étaient pas explorés par les hommes, et en tant que telles, en explorant ces territoires, ont amené par cette créativité nouvelle des solutions et un enrichissement du problème de, évidemment, du calcul par ordinateur. Est-ce que vous êtes musicien, Didier Roux ? Alors, je ne suis pas moi-même musicien, ma mère est musicienne, j'adore la musique, mais je ne suis pas musicien moi-même, je ne pratique pas. Vous connaissez la règle de l'émission, nous allons écouter un premier morceau que vous avez choisi, je crois que ce sont les Rita Mitsuko. Mitsuko, vous êtes un fan ? Alors, oui, je les aime beaucoup, mais c'est surtout que cette musique évoque pour moi un moment intéressant de ma vie de scientifique. Je séjournais aux États-Unis, à l'université de Los Angeles, pendant une période assez longue, et donc j'étais depuis à peu près un an et demi aux États-Unis, et j'étais invité à un congrès en France, donc je suis revenu en France au bout d'un an et demi d'exil, en quelque sorte. Et en allant à ce congrès, j'écoutais sur la radio de la voiture que je conduisais, j'ai entendu ce morceau. Et j'ai ressenti un choc, alors un choc musical, mais pour moi c'était surtout l'évocation d'une rupture assez forte dans la chanson française par rapport à ce que je connaissais, que j'aimais beaucoup, mais qui était fondamentalement différent. Et donc cette rupture était en fait très liée à une découverte scientifique qu'on avait faite avec des collègues américains que j'allais justement et je devais aller présenter à ce congrès. Et voilà, donc en quelque sorte, cette musique est associée pour moi à une rupture à la fois scientifique et musicale. Une innovation de rupture, on pourrait dire. Alors, c'était pas une innovation. Dans ce cas présent, la musique était probablement une innovation. La découverte scientifique, c'était une découverte très fondamentale, et donc pas du tout une innovation. C'était des problématiques assez théoriques. Mais d'ailleurs, vous nous avez pas expliqué comment vous êtes passé du statut de cancre, qui redouble, au lycée, au collège, à celui de chercheur de haut niveau en passant par l'école normale supérieure. Alors, en fait, c'est assez simple, c'est un accident, c'est comme les découvertes scientifiques. Voilà, dans la vie, vous avez des accidents et ça vous change votre vie. Alors, il s'avère, c'est une longue histoire, je ne vais pas la raconter, ça serait trop long. Mais enfin, disons que je me suis retrouvé, alors que j'étais plutôt dans les classes qui étaient les classes de cancre, hein, je devais être en seconde C7, qui est passé en première C5 ou je ne sais pas quoi. Et puis là, pour des raisons assez bizarres, la mère d'un de mes amis m'a fait passer, de façon d'ailleurs un peu intéressée, puisqu'elle a emmené son fils dans cette même classe, dans la terminale C1, qui était la terminale des gens latins, grecs, qui avaient 100% de réussite au bac, etc. J'avais rien demandé à personne. Mais comme le seul matière où effectivement je me débrouillais un peu, c'était les mathématiques, sur la base de mes résultats en mathématiques, je me suis retrouvé dans cette terminale C1. Voilà. Et puis là, j'ai eu peut-être un sursaut d'orgueil, donc peut-être mal placé, où avec tous ces élèves, bons élèves, que je fréquentais finalement assez peu, je me suis dit que finalement, peut-être que en travaillant un petit peu, je pouvais m'insérer dans cette classe où manifestement, j'avais pas ma place. Et j'ai commencé à travailler... un début de travail en terminale. Oui, ça a marché, voilà. C'est comme ça qu'après j'ai repris. Et d'ailleurs, j'ai découvert l'intérêt de l'apprentissage et l'intérêt des études, bien sûr. Donc, ne prenez surtout pas ce que j'ai dit sur les études comme étant une attaque en règle de l'éducation nationale. C'est pas du tout le cas. J'étais juste un cas un peu pathologique. Alors, revenons à la grande histoire de l'informatique que vous avez commencé d'évoquer. On a parlé du rôle des femmes dans l'invention des méthodologies de programmation. Vous parlez aussi, dans votre leçon inaugurale, de Grace Hopper, cette dame qui a inventé le terme « bug ». Est-ce que vous pouvez nous dire comment ? Oui, alors d'abord, Grace Hopper, c'est cette femme donc qui faisait partie d'un groupe de mathématiciennes américaines qui ont inventé le langage de programmation et en même temps le compilateur. Donc elle a même, son nom est associé fortement à la notion de compilateur. Donc Grace Hopper, qui était une femme de l'armée américaine, mathématicienne, brillante, effectivement, à cette époque, c'était des branchements électriques que l'on faisait sur les ordinateurs et il y avait des papillons ou des petites bestioles qui venaient de temps en temps s'écraser sur les contacts et qui évidemment faussaient la qualité du contact. Et donc c'est pour ça que elle a, dans son cahier de manip qu'on en voit encore, on peut le retrouver d'ailleurs sur internet, c'est intéressant, utilisé le mot bug, qui veut dire évidemment insecte en anglais, et qui était le responsable du dysfonctionnement de l'ordinateur. Et après, le terme bug est resté comme étant un problème de dysfonctionnement d'un ordinateur. Ensuite, il y a l'invention du transistor, son utilisation dans l'informatique électronique. Comment est-ce que vous voyez les articulations entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée dans cette histoire particulière de l'informatique ? Alors, c'est là où on retrouve des grands principes qui existent dans l'ensemble des domaines. Et c'est ça qui est intéressant dans cette longue et belle histoire des ordinateurs et de l'informatique. C'est qu'il y a d'abord des convergences. On l'a vu très bien avec le métier Jacquard et la Pascaline. À un moment donné... en faisant converger des choses qui n'ont rien à voir venant de domaines qui sont très distincts entre faire une machine à calculer et faire un métier à tisser, les objectifs sont pas les mêmes. Mais à un moment donné, quand on assemble ces choses qui n'ont rien à voir, on découvre et on invente et quelquefois on met sur le marché une innovation qui correspond à quelque chose de complètement nouveau. Donc cette convergence est très très importante. L'autre notion très intéressante, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'accident, c'est-à-dire la découverte accidentelle qui d'un seul coup permet soit de résoudre un problème, soit d'ouvrir un champ complètement nouveau d'invention et d'innovation qui permet de faire des choses qu'on n'attendait pas du tout. Voilà, convergence et accident sont en quelque sorte la base même des ingrédients qui permettent de faire l'innovation. Et c'est là où cette réflexion qu'on a faite sur le lien qu'il y a entre recherche fondamentale et innovation prend tout son sens. C'est que vouloir, comme vous l'avez cité au début, suivre une méthodologie linéaire qui consiste à dire « je fais de la recherche pour comprendre des choses ». Ensuite, avec cette recherche et ces résultats, je peux inventer des objets. Et puis ensuite, ces objets, eh bien, quelquefois, nous en avons besoin et ça devient des innovations. Cette vision linéaire et avec une relation de causalité entre l'innovation elle-même et la recherche fondamentale qu'il faut faire pour conduire à cette innovation, elle est complètement battue en brèche par la réalité de ce qui s'est passé en informatique et ailleurs. Personne ne pouvait penser qu'il fallait faire de la recherche sur comment programmer un métier à tisser pour un jour inventer l'ordinateur. Donc, fondamentalement, demander à la recherche fondamentale d'être utile pour servir l'innovation, c'est de mon point de vue un contresens. Non seulement c'est un contresens dans la démarche historique, mais c'est un contresens dans la volonté même d'innover. Et très souvent, j'utilise cette phrase, vouloir assujettir la recherche fondamentale à de l'innovation, c'est restreindre le champ des possibles, puisque la recherche fondamentale consiste avant tout à comprendre le monde qui nous entoure dans toute sa généralité, dans toute sa complexité, et sans du tout se donner de limites par rapport à ses objectifs. On est conduit par la curiosité et l'augmentation des connaissances quand on fait de la recherche fondamentale. On n'est pas du tout conduit par l'utilitaire de faire de l'innovation. L'innovation, au contraire, elle est complètement conduite par amener quelque chose sur le marché qui permet d'améliorer et d'avoir un succès commercial et d'améliorer la façon dont nous vivons. Les deux objectifs sont radicalement différents. Et donc, il ne faut pas les assujettir, il faut les laisser libres d'évoluer dans chacun de leurs champs avec leur propre dynamique et leurs propres objectifs. Ce n'est qu'en les corrélant latéralement et pas de façon causale, c'est-à-dire pas l'une ne doit pas dépendre de l'autre, mais par contre en les associant de façon latérale, c'est-à-dire en faisant en sorte que la recherche fondamentale soit au courant des besoins d'innovation et que l'innovation soit au courant des résultats de la recherche fondamentale. Donc c'est par cette connexion latérale que réellement on permet de trouver une synergie entre la recherche fondamentale et l'innovation. C'est presque un message politique, dit Viroux, là, que vous tenez là. Hein. Alors c'est totalement un message politique. Je suis le directeur de la recherche d'un grand groupe industriel. J'ai fait beaucoup de recherches fondamentales. Je connais bien ces mondes-là. Et je trouve absolument terrible, terrible, de croire qu'en demandant à des chercheurs qui travaillent pour comprendre le monde qui nous entoure à quoi peuvent se servir leurs recherches pour le futur, c'est terrible de penser, de se tromper à ce point par rapport au discours que je viens de vous tenir sur la richesse de la synergie entre les deux à condition de ne pas les assujettir. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors l'innovation ne procède pas non plus du perfectionnement, vous l'avez montré, c'est pas en perfectionnant la pascaline qu'on a inventé l'ordinateur, ça n'est pas en perfectionnant la bougie qu'on a inventé l'électricité, mais il y a la petite histoire que vous racontez aussi dans votre leçon inaugurale, Didier Roux, en fait c'est votre histoire qui montre encore mieux que la précédente, que la grande que vous venez de raconter, comment tout ça se fait avec du hasard, de la créativité, des conditions historiques qui rendent certaines rencontres possibles, certains besoins nécessaires, etc. Alors c'est quoi cette histoire? Vous êtes connu comme étant l'inventeur, un des inventeurs de la physique statistique des surfaces fluctuantes. Oui, ça va demander quelques explications. Oui, alors c'est un peu plus compliqué évidemment à expliquer que très belle et grande histoire de l'informatique. Alors, si vous voulez, on va essayer de façon simplement, le monde qui nous entoure est fait de matériaux. Ces matériaux sont des assemblages d'objets microscopiques qui s'assemblent entre eux pour fabriquer, par exemple, un métal et pour fabriquer un morceau de plastique. Je prends ces deux exemples parce que ça va illustrer. Le métal, c'est un arrangement d'atomes qui s'empilent de façon ordonnée dans l'espace. Et puis, le morceau de plastique, Eh ben, c'est pas des atomes, c'est pas des points, c'est pas des petits objets, ce sont des lignes qui s'enchevêtrent. Donc, ce sont des objets linéaires qui s'enchevêtrent. Et là, on tombe sur un problème qui peut être formulé en mathématiques de façon assez simple. Nous sommes dans un espace à trois dimensions, en tout cas pour la plupart d'entre nous, et ces objets sont faits d'objets qui ont une dimension 0, ce sont des points, une dimension 1, ce sont des lignes. Et le problème que l'on s'est posé, par accident d'ailleurs, et par une découverte accidentelle, c'est comment peut-on décrire des matériaux faits avec des objets de dimension 2, c'est-à-dire des surfaces. Donc vous voyez, nous sommes dans un espace de dimension 3, si on reste sur des dimensions entières, vous n'avez pas beaucoup de choix. Vous pouvez fabriquer des matériaux avec des objets de dimension 0, des objets de dimension 1 et des objets de dimension 2. À partir de là, vous remplissez l'espace avec des objets de dimensions différentes. Voilà. Et la question qu'on s'est posée, c'est ces surfaces qui sont assez fines pour être soumises aux fluctuations thermiques, c'est-à-dire l'équivalent du mouvement brownien pour les surfaces de ce qu'est le mouvement brownien pour les particules, donc pour les objets de dimension zéro, on s'est posé les questions, qu'est-ce qui se passe quand une surface fluctue, quand elle peut changer de forme, changer de topologie, c'est-à-dire être capable de fusionner avec une autre surface, qu'est-ce qui se passe en termes de description de physique statistique de ces objets quand on parle de matériaux? Alors, votre histoire s'inscrit dans une trajectoire qui a commencé avant, en 1940, par une découverte, une sorte d'accident de laboratoire. Voilà. Qui a été faite par un chimiste anglais du nom de Shulman, si ma mémoire est bonne, qui travaillait, disons, sur la mayonnaise, enfin, sur les émulsions plutôt. Voilà. Alors, c'est effectivement l'accident initial dont je parlais tout à l'heure. Un chimiste anglais, effectivement, Shulman, travaillait sur les émulsions. Qu'est-ce que c'est qu'une émulsion? Pour vous, c'est effectivement, il y a en tête la mayonnaise, c'est-à-dire de l'eau, de l'huile et ce qu'on appelle un tensioactif, un savon qui vient séparer dans l'espace l'eau et l'huile, parce que l'eau, comme vous le savez, n'aime pas l'huile. Si on les laisse faire toutes seules, elles se séparent en deux liquides immiscibles. Alors, il faisait donc des émulsions, et puis, comme s'il était chimiste et qu'il voulait nettoyer ses instruments, comme vous voulez nettoyer votre cuillère qui a permis de préparer votre mayonnaise, eh bien, il a eu l'idée de rajouter un peu d'alcool. Et à sa grande surprise, quelques gouttes d'alcool dans son émulsion, donc sa mayonnaise, ont d'un seul coup transformé ce liquide turbide et visqueux en un liquide parfaitement fluide et limpide. Et il a fallu quelques gouttes d'alcool. Petite cause, grands effets. Exactement. Et là, évidemment, cette découverte accidentelle l'a étonné, il a essayé de comprendre. Et à cette époque, il a donné comme une explication, d'où le nom qu'il a donné ensuite à ces objets-là, cette phase. Il a pensé qu'il avait fabriqué des émulsions de très très petite taille. Et il pensait qu'en étant de très petite taille, ça expliquait les deux propriétés principales, c'est-à-dire la transparence de son objet, ce qui peut effectivement se comprendre tout à fait, puisque la turbidité vient de la taille de l'eau dans l'huile ou de l'huile dans l'eau, des objets d'eau dans l'huile. Et donc de petite taille, ça pouvait devenir transparent. Et la viscosité, ça c'est moins évident pour des raisons un peu plus fondamentales. Mais enfin, il a conclu qu'il avait fait des micro-émulsions, c'est-à-dire des très petites objets d'émulsion. L'histoire lui a montré que c'était pas vrai. C'était pas des micro-émulsions, c'était autre chose. Mais en tout cas, ça a... disons... Mais c'était une curiosité de laboratoire. Alors c'était un... absolument, c'est resté entre les années 40 jusque dans les débuts des années 80 ou la fin des années 70, c'est resté ce qu'on peut appeler une curiosité de laboratoire, c'est-à-dire il y avait 4 ou 5 savants dans le monde qui s'intéressaient à comprendre ces micro-émulsions, et ça n'avait pas beaucoup d'importance. Jusqu'à ce que les chocs pétroliers successifs dans les années 70 amènent les pétroliers à s'intéresser à ces phases de micro-émulsion, parce que ces phases de micro-émulsion avaient une propriété fantastique, c'est qu'elles permettaient de faire diminuer de façon spectaculaire la tension superficielle entre l'eau et l'huile. Alors pourquoi c'était important de faire diminuer la tension superficielle entre l'eau et l'huile? C'est parce que quand vous essayez d'extraire du pétrole d'une roche dans laquelle il est emprisonné, vous en récupérez un tout petit peu spontanément, puis en pompant, vous allez en récupérer 20 ou 30%, et après, il faut essayer de l'extraire en poussant un liquide. Et quand vous poussez de l'eau, à cause de la tension superficielle, l'eau trouve son chemin jusqu'au puits et ne pousse pas l'entièreté du liquide, le pétrole qui est contenu dans la roche. Donc le pétrole reste au fond. Le pétrole reste piégé dans la roche à cause de la tension superficielle. Et donc, un matériau qui permet de baisser cette tension superficielle permet en quelque sorte de laver la roche et de récupérer ce pétrole. D'où l'intérêt des entreprises pétrolières pour les micro-émulsions. Et c'est là que... Ben non, c'est le moment de passer le deuxième morceau de musique que vous avez choisi, Didier Roux, et je crois que c'est un morceau des Dire Straits. thing about the switchback and a torture tattoo. And I've been writing on a ghost train where the cars they scream and slam, and I don't know where I'll be tonight, but I'd always tell you where I am. In a screaming ring of faces I seen her standing in the light. She had a ticket for the race. Vous êtes aussi fan des Dire Straits ? Ah oui, là, Dire Straits, pour moi, ce sont des grands artistes. Hein. Et alors là, l'histoire, c'est pas l'histoire d'une rupture, ni d'une rupture technologique, ni d'une rupture musicale. C'est plutôt l'histoire d'une convergence personnelle et intime, puisque c'est sur cette musique que j'ai rencontré mon épouse, voilà, et que nous avons, depuis ce temps-là, vécu ensemble et avec bonheur. Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose de cet ordre en vous voyant bouger pendant la diffusion du morceau. Alors on reprend le fil de notre histoire, donc crise du pétrole, on cherche à extraire davantage de pétrole des roches, et les micro-émulsions sont une solution qui suscite l'intérêt. Comment est-ce que vous intervenez, vous, dans l'histoire ? Où est-ce que vous êtes au début des années 70 ? Oui, plutôt début des années 80, oui, mais on vieillissait pas trop excusez-moi, vite. Excusez-moi. Je pense à l'année 73, qui a été l'année charnière. Voilà. Il y a Pierre Gisdegen qui s'intéresse à ces sujets également. Est-ce que vous l'avez rencontré? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça a été, donc, on était dans les années 80 et ça a été une très belle histoire scientifique que cette compréhension de la physique statistique des surfaces fluctuantes. Pierre Gisdegen a fait partie des scientifiques qui se sont intéressés à ce sujet-là. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la partie appliquée qui avait motivé l'industrie pétrolière à demander aux scientifiques de comprendre et d'expliquer comment ces structures fonctionnaient, la partie fondamentale s'est très vite complètement émancipée de la partie application. Si vous regardez la courbe du prix du pétrole, vous voyez que assez vite dans les années 80, vers le milieu des années 80, le prix du pétrole a chuté et l'intérêt des industriels à cette époque pour ces système a chuté parallèlement au prix du pétrole, mais par contre l'intérêt des scientifiques, lui, a grandi de façon exponentielle, et donc l'histoire a continué complètement en dehors du monde des applications et complètement dans le monde de la recherche fondamentale, de compréhension du monde qui nous entoure. Et Pierre Gisdegen a fait partie, a amené une des idées qui a été au cœur de la compréhension de la stabilité de ces surfaces fluctuantes, en amenant cette idée que toute la physique de ces phases était en fait conduite par la physique du film flexible qui séparait l'eau et l'huile, qu'après on a pu reconstituer d'ailleurs de façon expérimentale encore plus intéressante par des membranes, c'est-à-dire une bicouche de tension active séparant de l'eau avec de l'eau, donc un peu comme les membranes des cellules qui séparent la cellule de son milieu extérieur. C'est-à-dire que les propriétés des micro-émulsions sont pilotées en fait par celles du film. Absolument, l'eau et l'huile sont complètement passifs, toutes les propriétés physiques de ces phases peuvent être décrites à partir des propriétés élastiques par une compétition entre les fluctuations thermiques et les propriétés élastiques du film de ces surfaces. Et donc, cette simplification extrême a permis de faire une enveloppe théorique extrêmement solide, confirmée par l'expérience ou découverte par l'expérience dans certains cas en premier, à cette compréhension de la physique des surfaces fluctuantes. Didier, on vient de parler de Pierre Gisdegen, c'est un personnage assez singulier, qui a eu le prix Nobel de physique. Et par quoi définiriez-vous son génie, sa façon de poser les questions, le type de problème auquel il s'intéressait, qui était assez originaux? Alors, si vous voulez, Pierre Gisdegen, pour moi, il est l'exemple vivant de ce que j'ai essayé d'expliquer comme étant les synergies et les différences entre recherche fondamentale et innovation. c'était avant tout un scientifique fondamentaliste, un grand scientifique qui a fait énormément progresser la physique statistique en général, mais la physique des matériaux de façon beaucoup plus spécifique. Et son approche était en quelque sorte ce que j'ai essayé de décrire tout à l'heure, c'est-à-dire en essayant de comprendre le monde qui nous entoure et d'avoir une description la plus simple possible et la plus juste possible de ce monde des matériaux, en même temps, il était extrêmement intéressé par les applications, pas pour les faire lui-même, mais comme source d'inspiration et de compréhension de ce monde qui nous entoure. Et donc, il était réellement dans ce parallèle que je faisais entre l'avancée propre des connaissances dans le monde fondamental et l'innovation qui est d'amener sur le marché des systèmes qui marchent, qui sont achetés, qui correspondent à un besoin, eh bien, il était complètement dans ces interactions latérales entre les deux, pas du tout dogmatique sur les objectifs, mais extrêmement efficace sur ces interactions entre les besoins du marché d'un côté, ou les besoins d'innovation d'un côté, et la compréhension du monde de l'autre. Est-ce que vous avez directement travaillé avec lui ? Alors, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, et parmi celles que j'ai eues, c'est d'interagir avec lui, alors un peu au niveau scientifique fondamental, mais à l'époque, j'étais consultant pour la société Ron Poulin, qui l'était aussi, et nous avons beaucoup, tous les deux, voyagé ensemble et intervenu auprès des équipes industrielles de Ron Poulin. Et là, j'ai pu découvrir un homme sous un aspect d'un professionnalisme absolument fantastique, d'une profondeur et d'une capacité de concentration sur des problématiques appliquées, quelquefois qui pouvaient être jugées comme étant extrêmement pratiques, et la vision qu'il pouvait en avoir par son abstraction et sa compréhension théorique des choses. Voilà, et donc ça a été un grand bonheur que d'interagir avec lui. Et comment est-ce que vous êtes intervenu dans cette histoire des micro-émulsions, cette physique statistique des surfaces fluctuantes? Oui, j'adore cette expression. En fait, j'ai commencé par mon sujet, c'était de comprendre quand est-ce que les micro-émulsions étaient stables et quand est-ce qu'elles n'étaient pas. On faisait ce qu'on appelait des diagrammes de phase. Donc on cherchait dans l'espace des concentrations d'eau, d'huile et de tensioactifs les endroits où il y avait des micro-émulsions. Et donc c'était un travail, je dirais, presque de chimiste, c'est-à-dire que ça consistait à mélanger, à regarder ce qu'on avait. Et puis, évidemment, une fois qu'on avait des choses, on essayait de comprendre la structure avec des outils, rayons X, neutrons, diffusion de la lumière, tous les outils qu'on a à notre disposition pour comprendre les structures microscopiques. Et c'est à ce moment-là qu'une fois qu'on a eu pour comprendre les structures, on a essayé évidemment de les interpréter. Il faut comprendre que cette physique que Pierre-Gilles de Gennes a beaucoup pratiquée, c'était un peu de la physique du 19e siècle. C'est-à-dire que vous faisiez des préparations, des tambouilles, quoi, des mélanges. Vous faisiez ensuite des mesures un peu plus sophistiquées pour comprendre la structure, mais vous faisiez aussi la théorie qui permettait d'expliquer les structures que vous aviez. Donc vous étiez une sorte de physicien généraliste où vous alliez de la préparation de l'échantillon, de faire des mesures un peu sophistiquées de physique, jusqu'au modèle théorique. Et dans des équipes assez modestes, en effectif, je veux dire. Dans des équipes extrêmement légères, quelques personnes autour de soi, beaucoup de collaborations internationales. Bon, moi j'étais plutôt expérimentateur, mais j'ai toujours fait beaucoup de théorie et j'ai travaillé avec des théoriciens un peu partout dans le monde et aussi des expérimentateurs. Voilà, il y avait une sorte de collaboration internationale caractéristique du monde de la science qui était absolument merveilleuse et j'ai gardé évidemment et je garde toujours de nombreux amis que ce soit aux États-Unis, en Israël, en Inde et ailleurs avec qui nous avons travaillé. Est-ce qu'il y a des moments de découragement ? Ah, tout le temps. Je veux dire, la science c'est tout le temps du découragement pour quelques étincelles de bonheur. On ne fait pas de la science en pensant qu'on saute de succès en succès. On passe de désespoir en désespoir. Le nombre de fois où, à 3 heures du matin, en revenant du laboratoire et ayant tout jeté à la poubelle, vous cherchez le sommeil en vous disant que, décidément, c'est un métier bien difficile, c'est évidemment compensé par quelques minutes de gloire quand de gloire purement intellectuelle, parce que en général, vous avez peu de gens pour le partager, où d'un seul coup, vous découvrez que vous comprenez un phénomène que vous étudiez depuis des années. Et là, le bonheur est immense. Est-ce que vous prenez un, voire deux exemples de joie intellectuelle provoquée par une compréhension soudaine? Je vais vous donner un exemple qui va être un peu difficile à expliquer, mais je ne vais pas l'expliquer. Ça fait rien. Ici, on est là pour dire des choses intéressantes. En quelque sorte, la musique et pas les paroles. Alors en fait, on travaillait sur en fait la diffusion de la lumière d'une phase qu'on a appelée la phase éponge, qui était une phase justement de ces membranes connectées dans l'espace, qui était une phase très très intéressante, qui avait des problématiques assez compliquées de symétrie cachée. Enfin, c'était des choses assez théoriques et assez compliquées, et on avait des résultats incompréhensibles. C'est-à-dire qu'on avait eu un signal de diffusion de la lumière que personne n'avait vu et que personne ne comprenait. Donc comme d'habitude, moi, je parlais à mes amis dans le monde, etc., en particulier à mon ami Mike Yates, qui est maintenant professeur Lucasian à Cambridge, et à qui j'étais très proche et avec lequel j'avais beaucoup collaboré en théorie. Et je lui disais, voilà, je lui envoyais le signal, je ne comprenais pas sa forme et tout. Et bon, lui non plus, donc on discutait, on passait notre temps à discuter de choses qu'on comprenait pas. Ça faisait quand même 2 ans qu'on avait les résultats. Je ne voulais pas les publier tant que j'avais pas compris. Ça, c'était un des principes. 2 ans sans comprendre. Ah oui, pour moi, j'avais les résultats tant que je les comprenais pas et c'était pas publiable. Il fallait que je comprenne pour publier. Et donc, je travaillais avec un postdoc suédois, qui est maintenant professeur à l'université de Lund. Et je me souviens très bien ce postdoc qui s'est revenu me voir en disant, écoute, Didier, t'es bien gentil, mais ça fait 1 an que je travaille avec toi. Tu veux toujours pas publier. Pourtant, on a des résultats. Donne-moi un autre sujet. Donc je lui ai donné un autre sujet et je restais avec cette incompréhension. Et puis un jour, Mike Yates me passe un coup de téléphone et il me dit, voilà, j'en ai parlé à un de mes amis, c'était un professeur de Cambridge qui s'appelle Ball et qui était un scientifique anglais dans toutes ses caractéristiques à la fois fantastiquement créatif et un peu dilettante, qui lui a dit, mais pourquoi tu regardes pas le couplage entre la concentration et la symétrie, puisqu'il y avait ce problème de symétrie. Et là, en un clin d'œil, en quelques lignes sur un papier, on fait les calculs, on tombe sur une forme de signal qui aurait pu correspondre. Vous rentrez ça dans la machine qui vous permet de regarder la forme de signal et vous essayez avec vos données expérimentales que vous aviez depuis 2 ans incompréhensibles. Et là, miracle, les choses fitent parfaitement. En fait, on avait la preuve expérimentale de ce qu'on avait fait en théorie il y a déjà 4 ou 5 ans. On l'avait sous nos yeux, on ne le voyait pas, ça marchait parfaitement. Et on n'était pas allé au bout de l'idée théorique, c'est-à-dire de faire le modèle théorique, le dernier pas qu'il fallait pour comprendre les données expérimentales. Alors, qu'est-ce qui provoque le déclic? C'est dans la tête de quelqu'un? C'est une discussion? Vous vous rendez compte? Une insomnie? Mike et moi, on a travaillé sur ce sujet depuis 5 ans. On connaissait tous, et nous, un peu avec quelques autres collègues qui avions inventé la théorie de cette phase, et puis d'autres expérimentateurs, d'ailleurs français, Grégoire Porte à Montpellier, qui en avait trouvé les premiers, les signaux expérimentaux. Et d'ailleurs, en parallèle, c'était même pas l'un après l'autre, c'était totalement en parallèle de ce qu'on avait fait. On connaissait toute cette phase, on l'avait en quelque sorte inventée dans notre tête. On était sur nos problématiques. Et c'est quelqu'un d'extérieur, à qui on en parlait pour la première fois, qui avait absolument aucune notion de tout le détail de ce que nous avions fait, qui par une simple réflexion banale a permis d'explorer un territoire que nous explorions nous-mêmes pas, alors que c'était évidemment celui qu'il fallait regarder. Il a changé votre regard sur vos propres travaux. Absolument. La créativité du fait de poser les questions de façon différente, de ne pas être le nez dans le guidon, à essayer de comprendre à toute force quelque chose qui vous échappe. Mais au contraire, une réaction complètement banale et naïve, intelligente certes et brillante, mais non d'expert qui pose la question d'une façon différente. Ça prouve bien que les découvertes ne peuvent pas être programmées. Alors les découvertes ne peuvent pas être programmées, certaines le sont. Bien évidemment, le boson de Higgs, qui est évidemment, bien évidemment, on l'a cherché pendant 50 ans. On a fini par le trouver. Voilà. Donc, on peut dire que quelque part, c'était un peu programmé. Mais non, bien sûr, des tas de découvertes, pas toutes, ne sont pas programmées. Et très souvent, ces surprises, reprenez l'histoire extrêmement connue de la découverte de la pénicilline, mais peu importe, l'histoire des sciences est remplie de découvertes accidentelles qui ont donné par la suite des innovations, des découvertes fondamentales et quelquefois des innovations importantes. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Vous parliez, Diderot, tout à l'heure d'économie. On a peu évoqué le sujet, mais quel est le lien entre l'innovation et l'économie? Schumpeter, qui a théorisé un peu la notion, disait que l'innovation, c'est ce qui permet la constitution de, c'est ce qui empêche, pardon, la constitution de grands monopoles, puisque ça permet à des monopoles qui seraient en cours de constitution ça les obligerait à faire faillite, en quelque sorte. Et donc, l'innovation permettrait au capitalisme de se renouveler, finalement. Oui, et alors donc, de survivre. Alors, Schumpeter, en fait, le cœur de sa pensée, c'était de comprendre le moteur de l'économie de marché. C'est-à-dire, qu'est-ce qui faisait évoluer cette économie de marché? Il est arrivé à la conclusion que l'innovation était clé pour expliquer une part du succès de l'économie de marché. Alors ce qui est très intéressant, c'est que son premier modèle, qui est à la fois juste et faux, il est très intéressant. Dans la vision de Schumpeter, tout au début, il a utilisé ce qu'on appelle le modèle de la boîte noire en économie, c'est-à-dire qu'il considère que les inventions et les découvertes scientifiques sont en dehors du champ de l'économie, ça ne concerne pas l'économie. La seule chose qui concerne l'économie, c'est l'innovation, c'est-à-dire la traduction en termes de produits sur le marché d'un bien nouveau, d'un objet nouveau, d'une organisation nouvelle. Et dans son modèle, il disait en quelque sorte, l'économie, c'est un système qui a une sorte de réservoir de connaissances qui est en dehors du champ de l'économie, les découvertes scientifiques, la connaissance, les inventions, parce que les gens inventent des choses pour que ça marche, sans savoir à quoi ça sert. Et finalement, l'innovation, à travers un vecteur qu'il a appelé l'entrepreneur, ce vecteur qui était l'entrepreneur, son objet, c'est de transformer, de piocher dans ce réservoir de connaissances des choses qui permettent d'innover et de le rentrer donc dans le système économique. Alors, ce modèle, il est intéressant, il est faux. Il est intéressant parce qu'il saisit un peu l'essence de cette différence que j'ai essayé d'exprimer entre les objectifs de la découverte et des inventions et les objectifs de l'innovation. Donc, il saisit bien le fait qu'effectivement, la connaissance ne doit pas être guidée par l'économie de marché. Par contre, il a bien compris qu'il fallait extraire de cette connaissance des choses pour répondre à ses besoins du marché. Alors ce qu'il a de faux, c'est qu'évidemment très rapidement, les gens lui ont opposé, y compris lui-même, le fait que beaucoup d'entreprises faisaient de la recherche, essayaient de comprendre les choses et inventaient des choses et effectivement les transformaient en innovation. Donc on ne pouvait pas considérer que la recherche et les inventions étaient complètement en dehors du champ de l'économie. Et ça, c'est ce qui a donné le modèle linéaire dont on parlait tout à l'heure et qui a, à mon avis, une grande incompréhension, dont l'utilisation procède d'une grande incompréhension dans le monde plus général de la société, de la gouvernance, de la politique et évidemment aussi, mais à moindre mesure, des entreprises. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que cette erreur qui a conduit ensuite au modèle linéaire, n'était pas dans le modèle initial. La transformation de ce modèle initial en un modèle linéaire a amené beaucoup de confusion sur comment augmenter, comment diriger, comment améliorer l'innovation. Alors que le modèle de Schumpeter était en quelque sorte celui de la boîte noire plus juste. Mais est-ce qu'une innovation suppose une invention ? Si on prend par exemple l'exemple du Vélib. Le Vélib, c'est une innovation, mais il n'y a pas vraiment d'invention derrière. Quand je parle d'innovation dans cette série de cours que j'ai donnée au Collège de France, je parle quand même d'innovation technologique. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne correspond qu'à une petite partie des innovations. Le Vélib, c'est une innovation d'organisation du marché. C'est-à-dire que ça répond à un besoin du marché avec un nouveau, ce qu'on appelle un business model, un modèle économique, effectivement, ou un modèle d'entreprise. Et donc ça, il y a des innovations multiples dans ce domaine-là. Vous avez aussi des innovations de services. Quelquefois qui font appel à de la technologie, quelquefois pas. Non, je parle de l'innovation technologique, c'est-à-dire celle qui correspond à des objets que nous utilisons. Ça limite énormément le poids et le territoire sur lequel je m'aventure. Didier, on vous sent passionné, enthousiaste. Vous avez rappelé votre passé d'élève pas toujours à l'aise avec le système scolaire tel qu'il était actif à l'époque. Vous intervenez aujourd'hui beaucoup dans les écoles. Qu'est-ce que vous racontez aux enfants ? Est-ce que vous les écoutez ? Est-ce que vous leur parlez ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors, si vous voulez, d'abord, il faut comprendre que ce dont j'ai probablement souffert, et ça paraît un peu paradoxal avec ce que j'ai dit des mathématiques, qui était un peu un domaine où j'étais plutôt à l'aise, c'est que la science, ce n'est évidemment pas des mathématiques appliquées. La science, ce n'est évidemment pas une théorie. La science, c'est avant tout de l'observation du monde qui nous entoure, mais pas de la simple observation. C'est de l'observation avec des questions et on essaye de répondre à ces questions par de l'expérimentation. C'est-à-dire que la science, ce n'est pas une théorie. La science, c'est avant tout, je me pose une question et j'essaye avec des outils qui sont des outils d'observation dirigée, en quelque sorte, l'expérimentation, de voir si des hypothèses que je peux émettre sont vraies ou fausses. Et la réponse, elle est donnée par le résultat des expériences. Et ensuite, en fonction des résultats, vous êtes guidé vers l'interprétation des phénomènes. Et cette vous êtes en train de traiter, Didier, le sujet de philosophie proposé au bac pour les élèves de terminale. Oui, littéraire, oui. Observer suffit-il pour comprendre ? Voilà, exactement. Là, alors, vous donnez quelle note ? Voilà. Alors, Bon, d'abord, comme je veux 2 minutes pour une anecdote que j'adore raconter, là, de nouveau, après de m'être fâché avec l'ensemble des professeurs de maths, je vais me fâcher avec l'ensemble des professeurs de philosophie. Mais pour moi, la philosophie est une science exacte. Alors, évidemment, ça paraît un peu paradoxal, mais moi, je l'ai vécu par l'expérimentation. Quand je suis rentré en terminale, ma première note de philosophie, au premier trimestre, était 6. Ma deuxième, au deuxième trimestre, était 6. Ma troisième était 6 sur 20, hein, je précise, pour les gens qui n'auraient pas compris. Et j'ai eu 6 au bac. Donc, j'en ai conclu que la philosophie était une science exacte. Voilà. Alors, boutade mis à part, bien évidemment que ce sujet, effectivement, de l'observation, l'observation en tant que telle ne suffit pas, certainement pas aux scientifiques. Il faut qu'elle se double de questionnements, d'hypothèses, de vérification de l'hypothèse et ensuite de conclusions, c'est-à-dire on apprend d'avoir expérimenté. Mais vous intervenez dans les classes de CM1, CM2. Oui, alors... Quel est le rapport des enfants de cet âge-là avec la science? Alors, et avec vous qui l'incarnez? D'abord, le rapport de l'ensemble de la population avec la science, il est fantastique. À partir du moment où la science n'est pas présentée de façon dogmatique. Elle est présentée de ce qu'elle est, c'est-à-dire essayons de comprendre. Beaucoup d'expériences peuvent se faire sans moyens. Beaucoup de questionnements peuvent se faire sans moyens. Il y en a pour illustrer ça, j'aime très souvent expliquer qu'il est légitime de poser une question, pourquoi le ciel est bleu? Et que la réponse à cette question, elle est compliquée. Et qu'il faut bien trouver une façon de répondre à cette question, pourquoi le ciel est bleu? Pour des enfants de 5 ans qui vous la posent, pour des enfants de 10 ans, pour des adolescents de 15 ans, ou pour des adultes de 20 ans. Il faut pas leur dire, vous verrez plus tard. On ne peut surtout pas leur dire, vous comprendrez quand vous serez en 4e année d'études de physique en faculté. C'est pas possible de répondre ça. Et donc, il faut répondre quelque chose. Et c'est là où la simplification de la compréhension, qui quelquefois est compliquée, des phénomènes, et surtout leur illustration par des expériences, permet aux gens de découvrir une partie de ce qu'il y a derrière ces questions et donc une partie de la réponse. Oui. Et il est légitime de répondre pour tout le monde à tous les niveaux. Mais ça prend du temps d'expliquer de cette façon-là. Alors ça prend du temps, mais d'abord il faut être modeste. Je veux dire, il n'est pas question ici de faire un programme. Il est question ici d'apprendre à apprendre, d'apprendre qu'on apprend en questionnant, en investiguant et en trouvant la réponse par sa propre réflexion, ou la réflexion, encore mieux, d'une équipe. Parce que quand j'interviens dans les classes, je suis absolument admiratif du fait que quand vous posez à un ensemble d'enfants qui observent et qui eux-mêmes, on leur demande d'interpréter, il y a une synergie énorme de la réponse des uns avec la réponse et le questionnement des autres. C'est-à-dire qu'il y a un effet de groupe. La solution ne vient pas du raisonnement d'un des enfants qui va partir de A et arriver à B. Elle vient d'un ensemble de réponses qui part dans tous les sens, dans lequel vous saisissez quelques éléments intéressants que vous remettez sur la table et les enfants s'en emparent de nouveau et de nouveau permet d'aller un cran plus loin. Et ça, c'est une expérience humaine très importante parce que c'est aussi la base de l'organisation d'une entreprise, c'est-à-dire un fonctionnement en équipe. Dernière question, Didier Roux, quel est votre rôle à Saint-Gobain? Qu'est-ce que ça veut dire organiser la recherche et le développement dans une grande entreprise comme Saint-Gobain? Est-ce que ça veut dire créer des contacts entre les différentes équipes, poser des questions, organiser les procédures? Oui, ben c'est un peu tout ça, si vous voulez. Moi, j'ai un rôle à la fois de challenge, c'est-à-dire que je joue un peu la mouche du coche au niveau scientifique des équipes, qui sont des très grands scientifiques et des gens très compétents. Mais voilà, moi, je les remue un peu. Mais c'est aussi, bien sûr, d'essayer de réfléchir. Et c'est très proche de la science. C'est-à-dire, en science, vous essayez de comprendre le monde qui vous entoure. Dans l'entreprise, vous essayez de comprendre les dynamiques de marché et ce qu'il faut amener sur le marché pour répondre à des besoins. Des besoins qui peuvent être exprimés ou des besoins qui peuvent être non exprimés. Et donc, le rôle d'un chef d'orchestre autour de l'innovation et de la recherche et développement dans une entreprise comme ça, c'est d'abord, et avec l'ensemble des patrons de business, ceux qui en quelque sorte la responsabilité de mettre sur le marché et de vendre des choses, de réfléchir à comment on peut augmenter le territoire, lancer de nouvelles idées, organiser effectivement les équipes pour être plus performantes. Merci Didier Roux d'avoir accepté notre invitation. Je recommande la lecture de votre leçon inaugurale du Collège de France, Découverte, invention et innovation, le tout au pluriel. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Valérie Lavalard et à la réalisation François Connac. tout de suite vous retrouver Antoine Guillot pour Plan Large, le rendez-vous cinéma de France Culture.